qu'on réagit au changement. Et on a eu des messages, surtout de la part de Jacques, sur la communauté. On a eu d'autres messages aussi qui sont venus se greffer à tout ça. Et puis, donc, on a réfléchi, on a médité. Puis, des fois, je me dis, c'est bien que les choses prennent un certain temps à se passer. Parce que si tout arrivait tout de suite, les gens se sentiraient très bousculés et réagiraient peut-être pas nécessairement très bien, nous les premiers. Hein, quand les choses arrivent trop rapidement, des fois, on a besoin d'un certain temps d'adaptation. Fait que c'est bien que les choses se passent pas trop rapidement non plus. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui se sont joints à la communauté, ou des gens qui sont revenus, ou des gens qui pensent à se joindre à la communauté et qui viennent nous voir régulièrement. Donc, la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter un court compte-rendu de ce que nos rencontres ont donné. Qu'est-ce que les jeunes ont dit? Les adultes n'étaient pas là quand les jeunes ont parlé sur comment ils voyaient la communauté. Les visiteurs qui viennent non plus, vous n'avez jamais entendu nos jeunes vous parler de comment ils voient la communauté. Fait que je me suis dit, c'est bien qu'on se le dise. Et les adultes aussi ont parlé, donc je vais vous présenter avec... J'avais pris des notes, donc c'est peut-être pas exhaustif, là, comme on dit, c'est peut-être pas complet. Jacques en avait pris aussi, mais j'y étais avec ce que j'avais, puis vous pourrez toujours compléter s'il y a des choses dont vous vous souvenez que vous voudriez qu'ils soient mentionnées. Fait que ça, c'est pour nous encourager, parce qu'il y avait beaucoup de remarques positives. Des fois, quand on est dans une église, on voit plus les petits défauts. Hein? C'est comme quand on est avec quelqu'un depuis longtemps, on voit plus les défauts parfois qu'on oublie de voir les belles qualités qui sont là. Et c'était vraiment intéressant d'entendre, entre autres, les jeunes nous parler de comment ils voyaient leur église. Vous allez le voir tantôt. Et ça nous rappelle que Dieu est à l'œuvre. Dans nos efforts pour le servir, Dieu est à l'œuvre. Puis c'est bon de le voir. Et puis, comme Michel l'a dit, la prochaine étape, c'est d'avoir un sous-comité qui va examiner certaines questions. Hein? On a un énoncé de mission, il faut écrire un petit peu ce qu'on veut, faire, vision, une structure. Est-ce qu'on veut garder la même structure de conseil? Est-ce qu'on veut changer ça? Des fois, on a l'impression que le conseil est élu à vie, là, et c'est pas ça qu'on veut, donc il va falloir revoir ça. L'organisation des comités, un nouveau nom pour l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire être membre d'une Église aussi? Il y a différentes opinions là-dessus, donc on va en discuter. Et toutes ces discussions-là, ça va impliquer, c'est sûr, un esprit bien disposé. Hein? Je me disais, c'est certain qu'il y a des idées nouvelles qui vont apparaître, il va falloir être ouvert. Il y a des idées qu'il va falloir laisser tomber parce que c'est pas la majorité qui est à l'aise. Donc, ça va nécessiter un esprit bien disposé. Puis je pense que la parole de Dieu nous encourage à ça. Hein? Est-ce que je me trompe? Hein? La parole de Dieu nous encourage à avoir un esprit bien disposé. Hein? C'est ça, je l'ai écrit dans Philippiens 2:3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Ça peut être tentant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Fait que c'est un encouragement à toute la communauté à dire, ben, pendant la prochaine année qui vient, on va sûrement proposer des choses, discuter des choses. Toujours garder ça en tête, d'avoir un esprit bien disposé. Même si des fois, ça vient nous chercher émotivement. Et dans la deuxième partie aujourd'hui, j'ai pensé, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de temps ou qui ne sont pas des grands lecteurs. Puis on vous avait vraiment fortement conseillé la lecture du livre « Réinventer l'Église » de Brian McLaren. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un… J'ai pris le chapitre 11 qui était… Le chapitre qui nous parle de la société dans laquelle on vit ou dans la société dans laquelle on va vivre. Donc, le postmodernisme, c'est un grand mot, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que ça, si on veut être une communauté pertinente à la société dans laquelle on vit, il faut qu'on la comprenne aussi. Et puis, on en fait partie de cette société-là, de cette communauté-là. Puis vous allez voir, je pense que vous allez sûrement, il y a des bouts qui vont vous rejoindre, vous allez vous reconnaître. Moi, je me reconnais dans la description parfois que Brian McLaren fait du postmodernisme, là, de la société dans laquelle on vit. Et je pense que ça peut nous éclairer. Puis je me suis dit, tiens, je vais rendre service à ceux qui ne sont pas des grands lecteurs. Puis il y en a plusieurs dans l'Église qui… Puis des fois, c'est le temps qui nous manque aussi. Donc, on va essayer de comprendre ça ensemble. Alors, on va y aller avec la… Ce ne sera pas long, Manon. On va y aller avec… Les rencontres, OK? Le court résumé des rencontres que je vous ai fait. Vas-y, Manon. Donc, c'est les jeunes pour commencer, OK? Donc, au sujet, je vais les lire, là, si c'est pas assez gros, j'essaie de tout faire rentrer dans un tableau. Au sujet du passé récent, ils appréciaient. Ils appréciaient le côté convivial de l'Église. Donc, les tables de poule, les jeux de baby-foot, le ping-pong, hein, on reconnaît nos jeunes. La musique, c'est intéressant, ils appréciaient la musique. Le café, c'est pour ça que je vous demandais tantôt, votre petit café, l'appréciez-vous? Ça fait convivial. Et ça, c'était quelque chose que nos jeunes semblaient apprécier. Ils appréciaient le dynamisme. Nous autres, les adultes, on est toujours en train de dire qu'on doit être plate pour nos jeunes, mais ça a l'air qu'on n'est pas si pire que ça. Donc, le dynamisme. Le fait que l'Église n'était pas juste le dimanche matin, mais que ça se prolongeait la semaine. Il y a des liens qui se sont créés, des amis qui se voient pendant la semaine, et ça semble que ça leur plaît beaucoup. Les rencontres de jeunesse qui leur permettaient de se sentir plus proches des autres. La discussion autour du film « Le Seigneur des Anneaux », donc les discussions autour des films, ça semble les rejoindre. Les dimanches après-midi du milieu de vie, ça on n'en fait plus, mais ça... Moi, ça m'a fait du bien de les entendre dire ça parce qu'on organisait ça régulièrement une fois par mois. On se réunissait, il y avait de l'animation, il y avait des jeux, on sortait le Xbox, les tables de poule. Puis tout le monde, les vieux et les jeunes étaient invités à se réunir. Il y avait de l'artisanat. Et c'est vrai que c'était des bons moments qu'on passait ensemble. Pour toutes sortes de raisons, ça a été mis de côté, mais je me suis dit, tiens, en tout cas, si jamais il y en a qui sont intéressés à faire quelque chose dans ce style-là, ça rejoint les jeunes. Donc, la possibilité de venir au bon mercredi qui aidait à se déjeuner et à être plus ouvert. On n'a pas beaucoup qui participent fait, le mercredi, mais vous savez probablement de qui je veux parler, ceux qui sont là le mercredi. Il y en avait un qui se présentait, c'est lui qui a fait le commentaire. Il sentait qu'il ne dérangeait pas et que ça aidait à vérifier sa compréhension des choses. Puis, il y avait l'interactivité, le fait qu'il pouvait parler, que les jeunes peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais non, ben, c'est le piton. Au sujet du présent, il sentait que les gens étaient prêts à écouter, qu'ils pouvaient compter sur de l'aide. Ça fait du bien d'entendre ça, moi. Il y a un lien de confiance entre les générations. Ça, c'est leur parole, hein? C'est ce que j'ai écrit pendant qu'ils parlaient. Il n'y avait pas de mur. Il ne sentait pas de mur entre les plus vieux et les plus jeunes. Les activités à l'extérieur, il aimait ça quand on en faisait. Okay? Il y a des fois qu'on est allé à la cabane à sucre faire des choses comme ça. Il appréciait ça. Il y a quelqu'un qui a dit « Tu te sens chez toi ici ». Les bulletins de nouvelles qui étaient faits par le groupe de jeunes, ça fait un peu plus d'un an, ça. Donc, il y avait des bulletins de nouvelles faits les dimanches, animés par les jeunes. Ils aimaient ça, s'impliquer là-dedans. La possibilité de s'impliquer dans le service, donc entretien des plantes, hein, la peinture, les arts, les activités extérieures, la fête de Noël. Ils aimaient ça qu'on aille les chercher dans ce sens-là. L'effort que la communauté fait pour utiliser les talents des jeunes. Donc, ils voient, je pense, qu'on essaie de faire un certain effort pour les impliquer puis qu'ils se sentent qu'ils font partie de notre communauté. À la question, il y avait une question qu'on avait posée. Comment vous rejoindre dans votre cheminement spirituel? Ça, c'était moi surtout qui était curieuse de ça. Puis là, il disait, bon, on a pris ça quand c'est relax, quand c'est sous forme de thème, quand c'est sous forme de jeu. Parfois, des partages autour d'un film, ils aiment ça. Là, on leur demandait, ouais, mais les études plus profondes, un petit peu plus inductives, ils disaient, bien, on est ouvert, mais quand on en sent le besoin, bien, c'est plus difficile. Donc, on connaît la génération aussi, peut-être, où ils sont peut-être moins habitués parfois à s'arrêter longtemps sur un sujet. Hein? Je pense que, en tout cas, à l'adolescence, quand ils arrivent au cégep, université, ils ont plus le choix. Mais à l'adolescence, on est peut-être à une époque où ils ont moins cette aptitude-là, parce qu'ils développent d'autres choses, ils développent d'autres aptitudes. Mais en tout cas, donc, études inductives sont ouvertes à aider. Il y a une petite porte, là. OK. Au sujet de l'avenir, donc, on leur dit, comment vous voyez votre implication à vous autres? Bien, ils sont prêts à s'impliquer. Il y en a qui hésitaient à partager leurs idées. Ils disaient, bien, je suis un petit peu gênée, mais... Certains qui ont peu de temps. Donc, l'engagement à long terme, ça les insécurise. Mais l'engagement plus ponctuel était préféré pour certains. Mais ça, c'est vrai, hein? Nos jeunes sont souvent très occupés. Ils ont des fois un travail, parfois des études qui sont exigeantes. Donc, un engagement plus ponctuel. Implication dans le comité d'accueil, ils se voyaient là-dedans. Des jeunes qui accueillent des jeunes. Ça, c'est peut-être une remarque des responsables, je ne me souviens plus, là, mais des jeunes qui accueillent des jeunes. D'ailleurs, c'est peut-être à revoir. Implication dans la techno. Utiliser plus le bâtiment. Donc, ils voyaient, exemple, il y avait quelqu'un qui avait sorti une soirée de hockey. Attention qu'il n'y ait pas de clan. Ça, c'était la ID, hein? Je pense que tu avais dit ça, que tu voyais que c'est important qu'il n'y ait pas un clan de jeunes puis un clan de plus vieux, mais que vraiment, notre identité vient aussi des adultes. Leur identité vient aussi des adultes. Donc, ça, c'est bien. Puis, je pense qu'on le ressent dans les commentaires des jeunes, qu'ils sentent ce lien-là entre les plus vieux et les plus jeunes. Dans l'application, toujours le bulletin de nouvelles, donc c'est à repenser si jamais ça les intéresse. Capsule jeunesse, exposition des œuvres, là, je ne savais pas du tout de quoi ils parlaient, je m'en souviens peu, j'avais comme ça comme note. La vente trottoir, ils étaient prêts à s'impliquer là-dedans. Moderniser les champs, c'était quelque chose, on le sait, mais ça prend du temps, et hein, Martin, ça prend de l'énergie, puis tout ça, donc ça viendra bien. Avoir des débats, des discussions, hein, ils aiment ça, discuter. Ça vous donne une petite idée de nos jeunes? Ouais, c'est bon. Ça vous donne un aperçu de comment ils voient l'Église et tout? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées pour les jeunes? Des choses qui auraient été... est-ce qu'on avait posé la question, Jacques qui n'est pas là? Est-ce qu'on avait posé la question? J'ai pas pris de notes, fait que... Ils ont été constructifs, tu sais. Tantôt, ils parlaient d'hésitation à partager les idées. Ils se sont... eux-mêmes rendus vulnérables à travers certains de leurs propos, mais ils n'ont pas dit qu'ils n'aiment pas ci, pas ça, puis ils n'ont pas été harsh. La question avait été posée, il me semble, vraiment par Jacques, là, hein? Puis, ouais, qu'est-ce que tu as dit, Heidi? Oui, elle avait été posée. Oui, hein? Mais il n'y avait rien? Peut-être, ils ne voulaient peut-être pas nous faire de la peine. Ils ont dit de moderniser les chants. Oui, dans leurs suggestions, ils nous l'ont dit. Oui, oui, on est conscient que... Au sujet de l'avenir, ça, c'est les adultes. Ah non, c'est pas... OK. Rencontre des adultes. OK? On leur a posé plusieurs questions aussi. La question, quel genre de communauté voulez-vous être? Donc, accueillante, vous allez vous en souvenir sûrement. Compréhensible, pas compréhensive sûrement, compréhensive aussi, mais compréhensible dans le sens que les gens, quand ils rentrent ici, comprennent ce qu'on dit, comprennent ce qu'on essaie de le message. Ouverte, non isolée, qui a un accompagnement spirituel, missionnaire, participatif, que les membres participent, lieu de prière et de ressourcement spirituel, accessible, disponible, en lien avec la communauté, hein? Pas une église toute seule dans son coin, mais une église, puis je pense que tranquillement on progresse dans ce sens-là. Souple dans sa structure, inclusive. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées? Pas mal, ça fait le tour, je pense. Hein? Mais non. Les changements qui avaient été appréciés. Le retour des mercredis, hein? On avait arrêté un bon bout de temps, donc Jacques serait content de voir ça. La musique, l'accompagnement, la spontanéité, explorer d'autres façons de célébrer le culte et la Sainte-Cène. Hein? On a essayé pendant les dernières années de varier, de trouver des formules différentes, des façons de faire différentes. La souplesse, le droit à l'erreur. Hein? Ici, ce qu'on aimerait, c'est que les gens sentent qu'ils peuvent essayer, se tromper, puis que c'est pas grave. On recommence, puis on examine ce qui a bien été, moins bien été, puis on recommence. La liberté, si on voyait que c'était des valeurs auxquelles les gens tenaient, et l'ouverture aux autres dénominations. Donc, s'ouvrir pas seulement chrétien, évangélique, mais de s'ouvrir. Puis je pense que le fait que le conseil participe au regroupement œcuménique de Hochelaga-Maisonneuve, c'est un pas dans cette direction-là. On a reçu aussi des gens dans des réunions de prière. On a ouvert à d'autres dénominations. Donc ça, c'était apprécié. Au sujet de notre réaction individuelle face au changement, donc on avait dit, comment est-ce que vous voyez ça, les changements dans vos vies personnelles? Comment vous les vivez? Donc, il y avait toutes sortes de réponses. Il y en a qui nous disaient, parfois, les changements, c'est toujours trop rapide puis c'est difficile. Okay? Donc, il y en a qui aiment des choses plus stables. D'autres qui sont très ouverts naturellement, donc ils n'ont pas besoin de se forcer. Ça va tout seul. Il y en a qui voient les changements comme des possibilités. Certains qui ont peur de perdre le contrôle. Certains qui sont ouverts, mais prudents. Et d'autres qui sont parfois très résistants. Donc, c'était bien, il y avait une honnêteté dans les réponses pendant la rencontre. Les gens disaient vraiment, ben moi, c'est pas facile. Si on arrive avec des projets, parfois, j'ai tendance à rester sur mes positions. Ben c'est bien, on est tous différents. Manon, les moins appréciés. Les adultes osent plus parler. Hein? ils ont noté qu'il y avait plus de désordre. En bas, ça, c'est pas juste dans les rencontres, notre rencontre de groupe, mais on avait fait le conseil des petites rencontres avec des personnes qui n'avaient pas pu se présenter, donc c'est aussi inclus. Donc, il y en a qui notaient que, mais je pense qu'on a vraiment fait un bon bout là-dessus. Michel et Diane ont été une aide précieuse, et c'est vrai que ça nécessitait un bon ménage, et ça a été fait. Ils notaient plus de laisser-aller. Quand on essaie de laisser plus de liberté, bien, c'est certain que des fois, il y a le pendant ou il y a peut-être un laisser-aller. Donc, Les gens avaient noté ça. Donc, peut-être quelque chose qu'il fallait voir. Difficulté avec la ponctualité. Encore là, je vois un lien avec la liberté, le laisser aller, la ponctualité, nos cultes qui ne commencent pas toujours à l'heure. Mais on va y arriver. Mais aujourd'hui, on était bon, je trouvais. Aujourd'hui, on était bon. Il y en a qui déploraient le fait qu'il n'y ait plus de cours de formation style le maître et son disciple. C'est vrai qu'on a cessé cette activité-là, toutes sortes de raisons encore là, mais ça avait été mentionné. Donc, c'est ça, j'ai peut-être pas écrit, mais je me souviens qu'il y en a qui disaient des études. On était habitué à des études bibliques, de l'exégèse des textes. Et là, on est tombé dans un style un petit peu différent, genre qui amène ça plus sous forme de réflexion, de partage. Et c'est bien aussi, mais il y en a qui s'ennuyaient un petit peu d'exégèse. Donc, on est sensible à ça. On leur demandait au sujet de leur implication dans la communauté. Et ça, c'est il y a un an à peu près. OK? C'est possible que les choses aient évolué, possible qu'elles soient encore comme ça. Donc, certains sont étaient ambivalents face à la conception de l'engagement dans la vie chrétienne. OK? Il y en a une qui disait, entre autres, je veux bien m'engager, mais je ne suis pas sûre qu'est-ce que ça veut dire dans la vie chrétienne. Parce que des fois, on est nouveau, surtout pour les nouveaux chrétiens, c'est peut-être pas toujours clair qu'est-ce que ça implique. Certains sont à une étape difficile. Donc, il y en avait même qui disaient, moi, j'ai le goût de lâcher, j'ai le goût d'abandonner. Certains qui appréciaient la liberté dans l'engagement, le fait qu'ils pouvaient s'engager, mais qu'il y avait une liberté d'action. Certains qui disaient, ben moi, je suis dans une période de repos. D'autres qui disaient qu'ils avaient vécu beaucoup de stress dans leur engagement passé. Une suggestion qui avait été faite, c'était de laisser tomber les services qu'on ne peut pas offrir. Si on n'a pas les gens pour, on s'adapte. Et certains qui ont plus le goût de s'impliquer ailleurs, à l'extérieur, pour créer des nouveaux liens puis sortir. Il y avait besoin de reprendre contact davantage avec les gens autour d'eux puis être peut-être moins entre nous. Fait que j'ai trouvé ça intéressant puis je me dis, bien, ça serait bien peut-être à un moment donné, quand on se rencontrera, discuter bien maintenant comment les gens se sentent par rapport à leur implication. Ça fait à peu près un an plus tard. Fait que, mais on voyait qu'au niveau de l'implication, hein, ça peut expliquer des fois, peut-être, on notait, par exemple, vendredi saint, on a eu très peu de participation, puis c'est correct, c'est vraiment pas un... C'est sûr qu'on note qu'il y a très peu de participation dès qu'on fait une rencontre extérieure, une rencontre de prière, où on voit que la participation est plus faible. Mais quand ça correspond à ce que vous avez besoin, c'est certain que c'est apprécié, votre présence est appréciée. Par contre, on voit que la limite fonctionne bien, la LIDGEC assez bien, fait qu'on se dit, ah, y a nos jeunes, eux autres, ils ont de l'énergie. Fait que ça vous a plu qu'on refasse ça? C'était-tu à propos? Ouais. Fait que ceux qui sont nouveaux parmi nous, ben j'espère que ça vous a donné un petit portrait d'où on est. Puis, par où on s'en va, bien là, on va regarder ça un petit peu. Oui? Plus de choses que dimanche, quand même. Oui. Oui, oui. Il y a de la réflexion, il y a des rencontres, il y a des jeunes, je disais, des fois, peut-être un visiteur, des gens qui viennent, puis qui viennent juste le dimanche, et ils ne voient pas qu'il y a un plus grand portrait de ce qui se passe. C'est ça. Fait que, j'espère que ça a reflété assez bien aussi ce que vous avez essayé de transmettre, autant les jeunes que les adultes. Si on a manqué quelque chose dans nos rencontres, où il y a des choses que vous trouvez qui ne sont pas là, puis vous n'osez peut-être pas nous dire, venez nous voir. Sandy a posé la question, as-tu des choses que vous n'aimez pas? Les plus jeunes ont peut-être moins osé le dire devant les autres, mais s'il y a des choses, parlez-en à Heidi, à Fred, s'il y a des choses vraiment qui vous agacent, vous ne vous sentez pas à l'aise, qu'on puisse le savoir. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout régler, mais au moins on est sensible. Puis on a le droit à l'erreur. C'est merveilleux, ça. J'aime tellement ça, le droit à l'erreur, moi. Ça va? Deuxième PowerPoint, il va falloir que j'y aille, là. Oui, vas-y, Martin. Oui. C'est une chose qui n'a pas été dite, mais je sais que Jacques a commencé il y a quelques mois des rencontres, je ne sais pas, avec des jeunes adultes. Oui, ce n'était pas encore commencé à cette époque-là. Je suis sûre que maintenant, on leur demanderait. Mais à chaque fois, j'entends des commentaires. Alors, c'est des soupers où les jeunes sont 18 à 25-30, où vraiment les jeunes sont invités à partager ensemble, mais pas nécessairement des études, là. C'est vraiment des partages. Heidi, Fred participe, Michael, qui est là? Esdras, Daisy, l'ami de Michael, qui? Vincent est là aussi. Myriam, qui ne peut plus participer pour un bout de temps, Normand. Donc, c'est une belle petite gang. Ça aussi, c'est un beau projet. OK, ce ne sera pas long, il faut que je place mes affaires. Un petit plus, OK. l'autre. Voilà. Attends, Manon. Hein? C'est bon, il y en a. Je pense que j'ai découvert le PowerPoint, je ne l'utilisais pas beaucoup avant, puis depuis un an ou deux, je ne sais pas, je me disais, ah, c'est le fun. Fait que, puis c'est parce que ça m'aide beaucoup aussi. Quand tu amènes un partage, ça fait un soutien visuel pour vous autres, mais pour nous autres aussi, ça fait un soutien visuel. Fait que, on n'a pas toujours le temps. Ouais. De quoi? Ah, OK, toi, tu vois pas bien, hein? Bien, je vais m'habituer avec les jeux de caractère aussi. Bien, j'ai fait exprès de le mettre en petit, là. T'es capable de lire le plus gros, j'espère? Oh, bien là, t'as besoin de lunettes, là. Tiré du livre « Réinventer l'Église » de Brian McLaren. Le petit, c'était volontaire, là, que ce soit petit comme ça. OK? D'accord? Il y a un petit verset qui va apparaître, mais il est petit aussi, mais je vais te le lire, Daniel. OK? Vas-y. C'est volontaire aussi, OK? Je le savais. Je vous le lis. Donc, c'est dans 1 Corinthiens 9, et c'est tantôt, je vous en parlais un petit peu, c'est le verset de Paul qui dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Donc, ce verset-là ressortait aussi dans le livre de M. McLaren. Et je me disais que c'était vraiment à propos, on essaie de comprendre le monde dans lequel on vit, qu'on sente qu'on en fasse partie ou qu'on partage cette pensée-là plus ou moins. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on le comprenne de l'intérieur. Pas qu'on le regarde comme ça. Qui sont ces gens qui ne croient pas en Dieu et avec notre regard hautain et pensant que nous savons tout? On n'arrivera absolument à rien, mais en rentrant de l'intérieur et en essayant de comprendre nos jeunes maintenant, qui sont-ils, vers où est-ce qu'on s'en va? Puis même, je vous le dis, moi, je me suis reconnue dans plusieurs caractéristiques de cette société-là. Donc, vas-y, Manon, pendant que je retrouve. Ah, j'ai pas été toute lue. Oui, j'ai toute lue. Non? J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. OK. Excusez. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Excusez, je pensais que j'étais rendue au bout. Donc, entrer dans le postmodernisme. Fait que là, je me dis, oh mon Dieu, c'est un grand mot. Je ne veux pas vous énerver avec des grands mots, mais c'est pas compliqué, hein? C'est l'époque dans laquelle on vit. On a eu le monde moderne et là, nous sommes dans le postmoderne. Okay? Il y a des choses qui ont changé. On le voit, on le ressent, puis on sent qu'on ne peut plus témoigner de la même façon qu'on le faisait il y a 20 ans. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire des grosses campagnes d'évangélisation, puis rah-rah-rah, ça marche plus ou moins. OK, on n'est plus dans la même époque, il faut comprendre comment les gens pensent. Donc, on va y aller. M. McLaren nous parle de trois cultures. Vous faites peut-être partie des trois, vous n'avez pas besoin d'être traditionnel ou moderne ou postmoderne seulement, là, mais ça nous donne une idée de certaines tendances dans la pensée des gens, dans la société. Donc, M. McLaren nous dit que, il donne des images, OK? La culture traditionnelle, on peut la représenter, c'est une représentation, c'est pas vous qui ressemblez à ça nécessairement, là, mais c'est une représentation. OK? La culture plus traditionnelle est représentée par un ministre du culte. Alors, quelles sont ses caractéristiques, Manon? Alors, on voit qu'il y a ses habits sacerdotaux, on voit qu'il y a une espèce d'autorité qui se dégage de lui, il y a des croyances qui lui sont révélées, des coutumes confirmées, il y a des règles absolues, hein, c'est une personne qui croit qu'il y a des règles absolues, il y a des rituels qui sont convenus, entendus, des fêtes qui sont bien placées, reconnues. Le prêtre, on voit qu'il se tient droit, satisfait, serein. Mais il est un peu froissé et apeuré par les deux. Attends, Manon, par les deux. Évite, Manon, évite, c'est le piton. Un petit peu apeuré par les deux autres. OK, donc, c'est possible qu'on fasse partie un peu, sans être peut-être, je ne pense pas qu'on se promène avec nos habits sacerdotaux, personne ici, mais quand même, c'est possible qu'on ait certaines croyances très ancrées, certaines qu'on tienne à certaines coutumes, qu'on tienne à certaines règles. Et que si dans les mois à venir ou les années à venir, on touche à ces choses-là, c'est possible que vous vous sentiez un petit peu apeuré, un petit peu froissé, comme on le dit dans la description. OK? C'est possible que même vous découvriez qu'il y a des choses auxquelles vous êtes attaché, que vous ne pensiez pas, OK? Mais que quand on va vouloir y toucher, ça fasse mal un petit peu, OK? Je vous le dis comme ça parce que on... Donc, culture plus traditionnelle. Ben non. On a un petit bonhomme ici. Vas-y. Culture moderne, qu'est-ce que c'est? L'image qu'on prend, c'est une image, encore là, personne ne se promène avec sa blouse blanche. Un scientifique vêtu d'une blouse blanche, scepticisme, OK? Caractéristique des gens qui viennent de la culture plus moderne, c'est un scepticisme vis-à-vis tout ce qui est amené comme idée, comme théorie, OK? Un scepticisme. Un sentiment de supériorité vis-à-vis de la tradition, hein? Ils regardent un petit peu la religion de haut, parce que c'est la science qui répond aux questions, non pas de leur point de vue, la religion. Donc, c'est ça, sentiment de supériorité vis-à-vis de la tradition avec ses règles, ses superstitions. Grande confiance en l'individualisme. Okay? La recherche et le raisonnement sont les chemins qui mènent à la vérité. Et ça, quand j'étais à l'université, là, c'était très répandu. Vraiment, la pensée courante, c'était ça. C'était la science, la religion, ça s'oppose, c'est la science qui gagne. C'était vraiment la pensée moderne qui était là. La technologie, nous pouvons contrôler et exploiter la nature. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se ramasse avec une belle société, un bel environnement en ce moment. Hein? Donc, des gens convaincus qu'on pouvait tout régler par la science et la technologie et le progrès, nous améliorons de jour en jour. Et c'est possible que vous ayez grandi, dépendamment de votre âge, dans cette culture-là, où c'est cette pensée-là qui est venue, peut-être que vous n'étiez même pas croyant à ce moment-là, qui est venue tranquillement s'implanter en nous. Puis on se débat peut-être parfois avec certains questionnements en lien avec le fait qu'on vient d'une culture moderne où la science a pris une très grande place. Fait que je vous invite juste à réfléchir, voir est-ce qu'il y a des aspects de ma personnalité ou de mes croyances qui proviennent de cette culture-là et qui viennent en confrontation un petit peu avec ma foi. Et le postmoderne. C'est le mieux que j'ai trouvé. Il y en avait deux, j'ai pris lui, là. Ah, monsieur? Monsieur McLaren, il compare, ben, en fait, sa comparaison est tirée de quelqu'un d'autre, même, j'ai pas le nom, là, mais compare la culture postmoderne, et là, je veux pas insulter les jeunes qui sont ici, là, un chanteur rock. Là, mais il me semble que le rock, c'est plus un mode, là, mais il compare quand même, je pense que c'est plus dans l'attitude, c'est ça, merci Martin. Donc, habillé comme il veut, hein, une très grande liberté d'être qui on est, éprouve de la déception, de la désillusion et de la méfiance vis-à-vis des deux autres. Okay? Donc, tantôt, on parlait qu'on a laissé une planète pas mal maganée à la génération qui suit. Bien, je pense que la génération qui vient est désillusionnée et parfois déçue de voir le monde dans lequel ils vivent avec toute la charge que ça implique de remettre de l'ordre dans cet environnement-là. Des fois, on se demande même si c'est possible d'y arriver. Donc, la méfiance, hein? Et il ne se tient pas debout, mais bon, ici, mais plutôt affalé, ou, j'aurais dû mettre tout, ou tournoie ou danse avec une énergie qui révèle son malaise. L'agitation de la société maintenant. Alors, on est dans une société agitée, où il y a un malaise et les gens n'en prennent pas toujours conscience. Donc, ça vous représente peut-être aussi, là, c'est pas parce que vous n'êtes pas jeune, parce que moi, je me retrouve dans certaines attitudes par rapport à ça, hein, l'espèce d'énergie qui se dégage où on est un petit peu toujours à la course, tout ça. Puis on va en parler un petit peu plus des caractéristiques. Vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent influencer. À quelque part, j'ai écrit « Les postmodernes sont parmi nous ». OK? Donc, ne croyons pas que nous sommes séparés de la société. Nous faisons partie de la société. Manon, on va essayer de décrire un petit peu la société postmoderne dans laquelle on est. Premier point, là, je vais avoir besoin de mes notes un peu plus. Attends des minutes, là. OK. Le postmodernisme est sceptique vis-à-vis de toute certitude. Fait que nous autres, les chrétiens, quand on arrive avec nos gros sabots et qu'on leur affirme qu'on a la vérité absolue, bien, les postmodernes, ils nous regardent, puis ouah. OK, ils en ont entendu d'autres, hein? Ils en ont vu d'autres, ils en ont entendu d'autres. Donc, pour eux, le savoir, c'est comme des théories. C'est même ce qu'on croit qu'il est prouvé dans 10 ans, 20 ans, on va peut-être nous dire que ça l'est plus. Regardez ce qu'on dit au sujet des fruits et des légumes. Hein? On nous affirme, puis le pauvre docteur Béliveau au Québec, qui est une sommité internationale, qui nous affirme que les fruits et légumes sont excellents, puis moi, je suis convaincue qu'ils sont excellents, là. Mais on lit dans la presse, en gros titre, pour ceux qui l'ont vu cette semaine, que finalement, ça ne préviendrait pas le cancer. Donc, et quand tu lisais, tu voyais que ce n'est pas tout à fait ça. Pour M. Béliveau, je l'ai trouvé très généreux dans son attitude, parce que quelqu'un qui travaille très fort pour promouvoir une saine alimentation, puis qui voit un gros titre de même dans les journaux, ça doit lui faire quelque chose. Mais tout ça pour vous dire que on annonce, on donne des théories, on les affirme comme si c'était des faits, et puis 10 ans, 20 ans après, tout à coup, on passe à d'autres choses. Et là, les jeunes ont grandi là-dedans. Et puis, ils avalent plus facilement, comme peut-être il y a dans les années, je ne sais pas, 50, 60, où la religion avait toujours le dernier mot. Ce n'est plus le cas. Donc, ils sont sceptiques. Deuxièmement, le postmodernisme est sensible au contexte. Donc, c'est un petit peu comme l'autre. Oui, c'est peut-être vrai dans certaines circonstances qu'on dit. C'est peut-être vrai pour toi. C'est peut-être vrai à cette époque-là, mais effectivement, ça ne l'est pas pour d'autres personnes à d'autres époques. Donc, c'est très relatif. La vérité est très relative dans notre société. Troisièmement, le postmodernisme s'appuie sur une prise de recul avec humour. Avez-vous remarqué à quel point il y a des humoristes dans notre société, à quel point on a même un canal pour l'humour? Les gens ont besoin de prendre du recul avec de l'humour. Donc, quand on arrive auprès d'eux très sérieux, très... Si tu ne crois pas à Jésus-Christ, tu t'en vas en enfer. Encore là, je pense qu'on heurte plus que qu'on attire par cette attitude-là. Parce que les gens ne sont plus sujets à ces craintes-là. Hein. Les gens ont réfléchi aussi. Les gens ont réfléchi, puis ils ont besoin d'une certaine... Ils ont besoin que les gens ne se prennent pas trop au sérieux. OK? Donc, je vous le dis. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je le remarque. Donc... C'est ça, ils ne se laissent pas facilement impressionner par ce que les gens disent. Puis ça, cet esprit critique-là, moi, je le vois en moi. Je le vois, je pense que j'en fais un petit peu partie, cette espèce d'esprit critique sur ce qui se dit dans la société. Mais je pense que plusieurs peuvent se rejoindre là-dedans. Fait que ce n'est pas toujours mauvais. Ce que je suis en train de vous décrire là, ce n'est pas négatif. Moi, je vois des bonnes choses là-dedans. Le fait d'avoir un esprit un petit peu moins crédule peut être très, très intéressant parce que, notre foi, elle est basée sur du solide. Il faut juste être capable de transmettre que notre foi, elle est basée sur du solide. Et ils vont être prêts à nous écouter. Je crois que les gens sont prêts à écouter. Le postmodernisme accorde une grande valeur à l'expérience subjective. OK? Donc, l'expérience. C'est bien quand on la vit. Vivons notre vie au bout. Hein? Profitons de la vie. La vie, c'est un cadeau. OK? La société... postmoderne voit beaucoup la vie comme l'instant présent, alors que peut-être il y a 15, 20, 30 ans, les gens pensaient beaucoup plus à bâtir leur carrière, avoir un plan de match, avoir une famille et là prendre sa retraite. Mais les jeunes, et même plus vieux un peu, ne voient plus la vie. Ils ne veulent plus se faire manger par le travail. Des fois, ils ont vu leurs parents travailler beaucoup, ils préfèrent avoir une vie plus smooth. Souvent, les adultes vont trouver que les plus jeunes sont comme pas travaillants, ils mettent leurs conditions, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le goût de la même chose que peut-être leurs parents ont le goût. Donc, ouais, les lucides. Ben c'est ça, M. Bouchard fait partie d'une génération précédente où, puis c'est pas mal non plus, là, hein? C'est des courants de pensée. Donc, une grande subjectivité à l'expérience, mais ils ne veulent pas croire que l'expérience est la vérité. Ce n'est pas parce que toi, tu vis ça que c'est vrai pour moi. Donc, si vous vous présentez à quelqu'un et que vous parlez de votre expérience de foi, il ne faut pas nécessairement s'attendre qu'elle va croire qu'elle peut se l'approprier. Okay? Cinquièmement, pour les postmodernes, être ensemble, c'est une expérience rare, précieuse et insaisissable. Et c'est pour ça qu'on vit dans un monde, oui, il y a beaucoup d'immigration, mais entre autres, c'est un des courants de pensée, c'est qu'on est prêt à être tolérant et à faire des compromis pour pouvoir vivre ensemble. Les valeurs, entre autres dans la société québécoise, misent beaucoup là-dessus. Donc, partager une complicité plutôt que la controverse. On se plaint souvent que les jeunes ne manifestent plus, ils ne vont plus dans les rues, ils ne brandissent plus de pancartes. Je l'ai faite il n'y a pas longtemps, ça me dit, moi, vu, j'étais là, qu'est-ce que je fais avec ma pancarte? Je ne suis pas très manifestante, mais je l'ai faite pour accompagner ma gang d'enfants de l'espoir. J'ai fait mon possible. je me sentais tellement pas dans mon élément. Mais c'est pas grave, mais c'est bon de manifester. Je suis d'accord, des fois, il faut vraiment dire c'est assez. Mais les jeunes et les plus vieux, je continue à le dire, sont peut-être plus enclins à vouloir préserver l'harmonie, à chercher des façons d'être tolérants pour vivre ensemble. Donc, une des phrases de M. McLaren, c'était « Les postmodernistes ne veulent pas de vérité sans une dose équivalente d'amour. » Autrement dit, arrêtons de brandir nos vérités avec en ayant parfois, quand on dénonce l'avortement, on dénonce l'homosexualité, on arrive avec nos pancartes, mais les gens ne sont pas attirés par cette attitude-là. Puis je pense que si on regarde, être ensemble et partager une complicité, tolérance, diversité plutôt que controverse. Ça représente juste un portrait général, hein? Je ne veux pas que vous pensiez que vous allez me dire, ah oui, mais un tel. Oui, il y en a encore de la controverse dans la société, là. On parle d'un courant de pensée. Okay? Ben non, pèse sur le piton. C'est ça, je l'ai dit, les postmodernes ne veulent pas de vérité sans une dose équivalente d'amour. Et ça, c'est bien. M. McLaren, il dit, c'est très bien, parce que, tu peux mettre le verset. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est une attitude, je pense, que Jésus avait lorsqu'il marchait sur la terre. Il n'était pas là avec ses pancartes en train de dénoncer. Mais Jésus était là, enseignait, expliquait et agissait aussi. Et je pense que c'est ce qui risque de toucher davantage les postmodernes que la controverse. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout, hein. Je pense que vous la faites, la nuance. Je ne suis pas en train de dire que tout est beau, que tout est correct, qu'il faut aller dans le sens de ce que tout le monde pense. Pas du tout. Je suis juste en train de dire qu'il faut apprendre à connaître dans le monde dans lequel on vit. Puis peut-être que ça va nous faire réfléchir sur certaines des attitudes qu'on peut avoir, qui peuvent repousser les gens au lieu de les attirer, puis les repousser inutilement. Il y a deux croyances peut-être qu'on pourrait avoir l'impression au sujet des gens. C'est que c'est faux de prétendre que les postmodernes rejettent toute vérité absolue. La différence, c'est qu'ils ne croient pas qu'on peut la connaître pleinement. La plupart des gens vont penser qu'il doit y avoir une vérité absolue, mais qu'on ne peut pas la connaître pleinement, il n'y a personne qui peut vraiment l'expliquer, puis qui on est pour prétendre qu'on la connaît parfaitement. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Donc, ce qu'ils vont dire plutôt dans leur pensée, c'est « Je n'ai aucun doute sur l'existence d'une vérité absolue quelque part, mais je doute de votre capacité ou de la mienne à saisir cette vérité, parce qu'ils en ont tellement vu, tellement entendu, et à la transmettre dans un langage pour la communiquer à d'autres et leur permettre de la comprendre de façon absolument exacte. » Donc, puis si on prétend qu'on peut transmettre le christianisme d'une façon parfaite, je pense qu'on est dans l'erreur. La vérité absolue, elle existe, là, mais la transmettre d'une façon parfaite, on est des êtres humains, et on la comprend bien imparfaitement. Et je pense que c'est ce que les postmodernes sont en train de nous dire aussi. C'est « wow, essayons d'être un petit peu plus humbles dans notre approche. » L'autre, il est faux de prétendre que les postmodernes ne se soucient pas de la vérité. Hein? On pense des fois que ce n'est pas important, les gens ne veulent pas savoir, les gens ne veulent pas comprendre. Je pense qu'en général, ce n'est pas le cas. C'est plutôt qu'ils n'acceptent pas d'accorder à une opinion plus de valeur qu'elle en a. Et ils voient que les chrétiens apportent des interprétations tellement différentes et en déclarant que les autres ont tort. Hein? Parce qu'on s'est mis souvent en opposition avec d'autres dénominations ou d'autres courants de pensée. M. McLaren disait « Parlons plutôt avec honnêteté, d'authenticité et de transparence. » Puis essayons de voir les choses du point de vue de l'autre, au lieu d'arriver avec notre point de vue à nous. Oh, il y avait un tableau intéressant, dogmatique. Encore là, je me disais, oh, j'aime pas ça avec des mots trop, mais dogmatique, c'est pas qu'il faut pas y avoir de dogme, hein, des enseignements précis auxquels on tient, mais une attitude dogmatique, hein? C'est une attitude où on va prétendre, on va tenir à des vérités, c'est ça. Il y a des points particuliers auxquels on va tenir qui ne sont pas nécessairement de base, hein, qui ne font pas partie nécessairement de la foi en tant que telle, mais on y tient. Comme par exemple le ministère des femmes. OK, je suis en avant aujourd'hui, je vous parle. Quelqu'un pourrait arriver ici, puis c'est déjà arrivé, puis dire qu'est-ce qu'elle fait en avant? Dans la parole de Dieu, c'est écrit que la femme ne doit pas enseigner, donc la personne sort. C'est arrivé plus qu'une fois. C'est triste. Non, je dis ça, puis c'est triste parce que des fois, c'était des personnes très sympathiques. Puis je trouvais ça très dommage. Donc, c'est là qu'on devient dogmatique, parce qu'il y a des grands théologiens qui vont discuter sur ces sujets-là pendant très longtemps avant d'en arriver à une position. Et nous, on arrive puis on prétend tout comprendre de la parole de Dieu instantanément en lisant un verset. On est dans l'erreur quand on fait ça. Okay? Il faut prendre le temps de se faire une idée en lisant, puis on a le droit d'avoir des idées différentes dans une même église. Donc, notre dogmatisme, notre attitude dogmatique peut avoir un effet sur les gens lorsqu'on s'exprime. Là, on va s'examiner un petit peu. Le côté dogmatique, il ressemble plutôt à la pierre. Il est dur. Le côté, quelqu'un qui manifeste plus la foi, c'est plutôt comme la terre. Hein? C'est quand même solide, mais ça se laisse travailler. Refuse toute possibilité de doute. Personne, une attitude dogmatique, quelqu'un arrive avec une opinion contraire, je me campe sur mes positions et j'y tiens. Une attitude de foi, on se débat fréquemment avec le doute. Est-ce que telle chose, est-ce que... Puis c'est rare qu'on s'est fait dire ça comme chrétien, qu'on pouvait avoir des doutes, hein? Est-ce que vous êtes souvent fait dire ça? Doute! C'est bon, doute! Bien, avoir un esprit critique, c'est bon. Fragile et craque sous la pression, parce que la personne se tient tellement sur ses positions qu'elle devient fragile. Souple, malléable et se laisse instruire. Quelqu'un qui a une attitude de foi se laisse instruire. Dogmatique se tient sur la défensive, stéréotypée. Foi se tient en repos, jamais suffisante ou opportuniste. Hein? Jamais prétendre que tout est clair. Hein? Si quelqu'un prétend que la parole de Dieu est toujours claire, là, faites-moi signe, parce que moi, j'ai souvent des questionnements. Fonctionne en vase clos. Le dogmatique fonctionne en vase clos. Hein? On reste ensemble parce que nous, on croit ça, puis on n'ira pas vers les autres parce qu'ils pourraient nous menacer. La foi ouverte au raisonnement, ouverte à entendre d'autres idées. Ça ne nous fait pas peur parce qu'on est solide sur nos... On sait ce en quoi on croit, puis on est capable d'entendre d'autres raisonnements, puis de les confronter à nos croyances, puis de s'ajuster. Donc, on est confiant. Quelqu'un qui a une attitude de foi est confiant. Le dogmatisme, c'est comme un tunnel. Hein? On s'en va comme ça, tandis que la foi, on regarde les choses comme le sommet d'une montagne. On est au-dessus, mais on essaie de voir l'ensemble. Le dogmatique génère l'orgueil, on prétend tout savoir. La foi, un émerveillement habité et grand respect. Un respect pour ce que l'autre pense, un respect pour ce que l'autre nous partage, puis peut-être qu'on peut découvrir des choses qu'on ne pensait pas découvrir. Même si la personne a une foi complètement différente de la nôtre, on est capable d'écouter, puis de discuter, de raisonner. Et la personne dogmatique insiste sur des points particuliers. Je donne l'exemple du ministère des femmes, mais il y en a plein de points particuliers où les gens ne sont pas prêts à respecter l'opinion de l'autre. Et la foi ne connaît que le Christ. L'important, c'est la foi en Jésus-Christ, le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, je vois l'an passé, j'en avais d'autres, mais regarde, non, on va arrêter. Les suggestions, je les garderai pour une autre fois. Vous ne saurez pas quoi faire avec tout ça. Je vais vous laisser mal pris. Bien, je vous laisse avec des questions. Ils ne sont pas là, Manon, fait que tu ne peux pas les mettre. OK, les questions. Individuellement, OK, si vous considérez individuellement, croyez-vous que vous êtes plus conservateur, indépendamment de votre passé, moderne ou postmoderne, dans vos réactions ou dans vos pensées? OK? C'est bon de se poser la question. Très bon de se poser la question. Moi, j'ai un petit peu de tout. Reconnaissez-vous des gens que vous côtoyez dans ces catégories? Je ne sais pas si dans ce que je vous ai décrit, des flashs qui vous sont venus de « Ah oui, telle situation, c'est pour ça, la personne ne réagit pas bien parce qu'on a fait telle ou telle approche, puis ça a bloqué. » Donc, reconnaissez-vous des gens que vous côtoyez dans ces catégories? Voyez-vous certaines choses que vous dites ou faites qui pourraient heurter les gens avec une pensée plus postmoderne? Croyez-vous que les chrétiens sont encore bien souvent dogmatiques? Je pense qu'on essaie de faire du progrès. Okay? En tout cas, ici, on essaye. On essaye vraiment de sortir de cette attitude-là de « nous savons tout ». Et vous-même, avez-vous l'impression d'être parfois dogmatique, hein, d'avoir des positions campées? Et la dernière, vous sentez-vous insécure face à la pensée postmoderne? Hein? Est-ce que ça vous insécurise? Quelqu'un qui est très, très conservateur pourrait avoir beaucoup de réactions. Puis c'est compréhensible, c'est pas mal en soi. C'est juste qu'est-ce qu'on fait avec ces réactions-là maintenant? Puis comment est-ce que je m'ajuste? Puis comment est-ce que l'autre peut m'apporter quelque chose, même s'il n'est peut-être pas dans la même démarche de foi que la mienne? C'est à peu près ça. Y a-t-il des commentaires, des questions, des quelque chose, n'importe quoi? Des fois, on se dit, on amène des partages, ou puis on n'est pas sûr. Des fois, il faut que ça soit digéré. Nancy? On est conservateur, comment on fait pour donner des preuves? C'est une bonne question, Nancy. Quand on est conservateur, je pense à la description que... Ouais. Ben, je ne prétends pas avoir toute la réponse à ça, mais ce qui me vient, c'est de dire, ben, essayons d'ouvrir notre esprit. Essayons d'être à l'écoute, puis de voir que nos croyances peuvent être très bonnes. Il y a des croyances qui sont très bonnes, c'est correct d'en avoir, mais d'être ouvert à ce que l'autre peut amener, puis de ne pas croire qu'on a absolument la vérité parce qu'on nous l'a toujours enseigné comme ça. Peut-être qu'il y a des choses qu'on... Je me souviens, je discutais avec quelqu'un de l'Église qui me disait... Elle se posait des questions très théologiques, là. Puis elle me disait, mais c'est toujours ça qu'on m'a enseigné. Puis là, ce qu'elle avait entendu, c'était différent. Puis elle dit, j'ai toujours lu ça dans les livres que j'ai lus. Puis je disais, ben oui, mais tu as toujours lu des livres en lien avec ça. Tu n'as pas lu des livres qui pensent différemment. Donc, des fois, c'est de s'ouvrir, de lire des choses différentes, d'écouter ce que les gens amènent. Puis ça ne veut pas dire d'abandonner tes croyances, pas du tout. Je pense que c'est ça qui nous fait peur un petit peu des fois, la crainte de qu'on vienne toucher à nos valeurs, mais il n'y a personne qui peut toucher à ça. Ça nous appartient. Daniel? Oui, je veux juste dire, parce que je ne pense pas non plus que d'être traditionnel ou conservateur, c'est moderne. Non, c'est ça. Mieux d'être moderne ou pas moderne. Non, c'est ça. Hein, je pense pas ça. Non, c'est ça. Il y a des traits positifs et négatifs dans chacun, à quelque part, on cherche. Oui. Mais c'est bien d'être traditionnel, conservateur, mais je pense que le point le plus fort, peut-être dans le moderne, c'est le fait d'avoir du doute. Non, la série, bien, ils ne prendront pas les choses comme une vérité absolue. Comme si tu présentes quelque chose, c'est bon pour toi, good, ça te fait du bien, vas-y. Mais... Oui, je sais. Oui. Il avait demandé à Denis, c'est elle qui enseignait, puis un mercredi soir, puis il demandait, est-ce que vous croyez, là, c'est une question large, qu'on peut perdre de ses vies? Oh, question piège. Alors là, tu sens qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse pour cette personne-là. Mais t'avais donné une réponse, puis lui, il avait pas. Je ne sais plus. Je vais toujours m'en rappeler. Il était bien content. Il a vraiment physiquement fait un yes. OK. Là, j'avais donné la bonne réponse. T'avais pas été dogmatique. Tu l'as entendu. Ça faisait son okay. Mais après ça, je suis allé le voir pendant la pause, puis j'ai dit, tu sais, ça, c'est ma femme qui est en avant. Elle pense que je ne me rappelle plus que je t'avais dit. J'ai dit, moi, je pense le contraire. Tu l'as toute déstabilisée. On reconnaît Daniel, hein? Mais il y a des grands théologiens encore là, qui réfléchissent à ça. Ils s'entendent pas. Et moi, je n'ai pas le temps qu'ils ont à investir là-dedans. Mais je m'attends d'y avoir dit ça. Mais j'ai dit, mais la bonne question, ce n'est pas vraiment est-ce que tu crois ou pas. J'ai dit, c'est quoi ton attitude par rapport à la réponse? J'ai dit, si elle n'avait pas dit ce qui te tentait. Ben oui. J'ai dit, comme là, je te dis content, moi, est-ce que tu t'en vas en claquant pas? Ou bien est-ce que tu vas rester et on va avoir un défi? C'est là que le défi une communication commence. Parce que là, on ne s'entend pas sur des points, puis ce n'est pas grave. Puis c'est là que je trouve qu'on peut rejoindre la pensée postmoderne, parce qu'ils sont capables de vivre avec des idées différentes. Ils sont tolérants. Il y a plein de gens avec des idées différentes, de religions différentes ou de croyances différentes. Fait que les gens sont habitués à entendre toutes sortes de choses. Puis ça, c'est positif, parce que ça veut dire qu'il y a une ouverture à discuter, qu'il n'y avait peut-être pas il y a... Moi, je dirais, il y a 15 ans, c'était très, très... tu crois ce que je crois ou tu ne le crois pas? Mais là, on voit vraiment cette ouverture-là. Même chez les jeunes, j'enseigne une pensée éthique et culture religieuse, puis l'ouverture, elle est vraiment là. Les jeunes, ils veulent juste savoir, ils veulent juste comprendre. Ils sont là, puis ils n'ont pas autant peut-être de préjugés qu'il y a pu en avoir dans les années précédentes. Fait qu'il y a des choses positives dans tout ça. Fait que Nancy, je sais pas si ça t'aide-tu un peu? Ben, je trouve que je suis plus ouverte depuis que je viens ici. OK. Qu'avant, je suis plus point. Ben, il y a juste notre église qui est bonne, hein, Nancy? Elle est pas ailleurs, là! Coupe le micro, Michael! Bon, ben, c'est bon, ça. C'est ça. D'autres marques avant qu'on termine? Nathalie? Je trouve ça rafraîchissant comme partage. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. C'est beau, Manon? Moi, j'ai lu, là. Ça fait du bien, puis je trouve que tu l'as très bien compris, très bien amené. Merci. J'écoutais, puis je me disais, c'est formidable les dons que Dieu donne à tout un chacun, parce que je ne serais jamais capable de faire ça, de lire un texte. Ah, Manon, pas que. Non, j'aime chanter, mais j'aime ça, puis je me sens bien là-dedans, mais j'écoutais, tu sais, comme, je ne suis pas capable de jouer de la guitare comme Daniel, je ne suis pas capable de comprendre de l'exégèse comme Glenn, comme, puis je pourrais nommer tout le monde ici, chacun a un don, puis le don que tu as, puis de la façon correct. Si j'avais été capable, c'est comme ça que je l'aurais appris. Mais j'ai vraiment apprécié, puis je trouve ça le fun, les dons que Dieu donne à son assemblée. Mais moi, je ne m'a pas d'obtenir des versets par cœur, par exemple. C'est ça. Fait qu'on peut continuer à méditer là-dessus. S'il vous plaît, on va finir juste par la prière, puis n'oubliez pas les offrandes. Et il me semble qu'il y avait un autre message à faire. Ah, les sacs de vidange en bas. Très important. Très spirituel. Je vous le dis. Croyez-moi, c'est très spirituel. Une dernière sur les traditionnels. Mais je peux vous dire sur quoi les gens portent. Il y en a qui font aussi des offrandes. La boîte est là. Elle est cachée même. Je pense qu'elle est cachée. Non, elle est là. On l'a mis sur la petite table. Ah, on a fait des progrès. Un panier. La quête, c'est ça. Il y a des gens qui ont claqué la porte parce qu'on n'apportait pas. Mais pour dire ça, c'est vraiment... C'est ça. Puis encore là, je ne prétends pas que M. McLaren a tout compris. Hein? C'est une bonne aide. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a passé ensemble. Je te prie de nous aider à former notre pensée, à réfléchir, surtout, Seigneur, à revenir à ta parole, à toi. Seigneur, tu nous as laissé une parole qui est rafraîchissante et qui nous inspire, Seigneur. Et, en tout cas, une des choses qui me revient, c'est que c'est à l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, que les gens vont voir, vont te connaître. Et c'est ce que je souhaite, Seigneur, qu'on puisse développer. Merci pour ce temps. Je te prie pour les offrandes, tous ceux qui collaborent à ton royaume, Seigneur. Et je te prie aussi pour tout ce que tu fais dans chacune des vies des personnes ici présentes et pour celles qui n'ont pas pu venir ce matin, bénis-les, Seigneur. Amen. Amen. Bonne semaine. Merci beaucoup. Je vais passer le sens de Saint-Anne, c'est très bien. Le PowerPoint.